Thèse 5. Activation orale, prononciation, S et Z. Écoutez et répétez. Assis. Parfait. Sympa. Souvent. Mystère. Juste. Agaçant. Tout ça. Hasard. Choisir. Leurs amis. Vos histoires. 6 ans. 10 ans. Ils sont 2 garçons. Ils ont 2 garçons.